Alléluia. Nous avons un Seigneur merveilleux. Jésus est bon. Jésus est grand. Jésus est Seigneur. Alléluia. Seigneur, je magnifie ton nom. Seigneur, je glorifie ton nom. Seigneur, nous exaltons ta sainte présence. Seigneur, nous bénissons ton nom. Jusqu'à Alléluia.